chers auditeurs, bienvenue à l'aérospatiale. Ce soir, nous allons parler de l'exposition « Construire » d'Isabelle Falardeau à Regard, qui est présentée du 12 février au 14 mars. Donc, je suis en présence de l'artiste. Bonjour Isabelle, bonjour, ça va bien? Bonjour Cassandra, oui, merci. Oui, bonsoir. Donc voilà, nous venons de visiter l'exposition. Quelle était ton idée de départ? Qu'est-ce qui a vraiment comme motivé cette exposition-là? Je fais de la photo depuis très longtemps. Et le questionnement, il y a un questionnement par rapport à l'espace qui s'est développé en faisant de la photo, mais que j'avais besoin dématérialiser dans l'espace, peut-être? Oui, oui, tout à fait, mais en fait, j'avais besoin de le déployer. Je pense que c'est comme ça que je peux, c'est de cette façon-là que je peux en parler. Et, bon, je savais pas trop comment, mais je savais que l'idée de l'installation m'intéressait. Donc, quand je suis entrée à la maîtrise, c'était dans cette optique-là que j'ai fait mon avant-projet de recherche là, que j'ai suggéré. Et j'avais déjà commencé à déployer mes images un peu dans l'espace, dans une exposition qui s'appelait Assemblage, qui s'est tenue en 2016. À ce moment-là, mes images étaient imprimées sur du contreplaqué, déjà peint, un peu comme ce qu'il y a dans mon exposition présentement, mais elles étaient simplement déposées sur des pattes en angle. Et puis, je déployais les séries un peu dans l'espace, de manière à ce qu'il y ait une espèce de parcours ou une espèce de chemin qu'on pouvait emprunter, à travers justement ces espèces de structures-là. Donc, il y avait déjà une espèce d'aspect sculptural qui commençait à prendre forme à ce moment-là. Et c'est à partir de ça que mon projet s'est développé. Puis quand je suis arrivée à la maîtrise, bien, j'ai décidé de donner un peu plus d'architecturalité. D'architecturalité. J'ai décidé, quand je suis arrivée à la maîtrise, de donner un peu plus d'architecturalité justement à mes structures. Et en fait, je me suis rendu compte du même coup que c'était de la sculpture que je faisais, qui intégrait ou en tout cas qui dialoguait avec mes photos, qui était aussi très, très matériel, là. Je veux dire, c'était pas du papier photo sur un mur, là. C'est vraiment, ça devient comme un objet, mais ça, on pourra en parler peut-être un petit peu plus avec les œuvres tout à l'heure. Oui. Donc, justement, l'aspect installatif de ta pratique est vraiment important. Comme tu le dis, oui, tu fais de la photo, tu as une pratique en photo à la base, mais on peut voir avec l'exposition que tu as vraiment un intérêt pour la mise en espace, pour exploiter l'espace d'exposition comme étant quelque chose aussi d'unique. Par exemple, il y a certaines des pièces qu'on peut voir ici qui mettent vraiment en valeur l'architecture du lieu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Ben oui, je pense que l'idée de... Bon, ici, là, dans l'espace, on a cinq îlots, on peut appeler ça comme ça, ou cinq structures, ouais. C'est ça qui se déploie dans l'espace, qui vont interagir entre elles, mais qui vont interagir aussi avec l'architecture du lieu. Je pense que... Ce que j'ai cherché à faire, en fait, c'est de donner un espace propre à chaque élément, mais en les ancrant, en quelque sorte, dans le lieu ou dans les volumes ou les creux de cette architecture-là, là, qui est la galerie de regard. C'est ça, parce que c'est aussi... c'est une galerie qui est quand même particulière, là. Elle est faite en L, il y a une espèce de petite demi-pièce en entrant. Bon, il y a toutes des petites sections qu'on peut travailler de façon indépendante. Et là, c'est important pour moi que tous ces éléments-là, justement, s'ancrent dans cet espace-là et prennent leur propre espace en lien avec l'espace qui existe déjà. Puis on sent qu'il y a vraiment une unité entre chaque îlot, comme tu les appelles. Mais en même temps, il y a comme une certaine différence. Tu sais, chacun a comme sa personnalité. Mm-hmm. C'est intéressant aussi parce qu'on peut circuler, comme tu disais, tantôt tu parlais d'un parcours, mm-hmm. On peut circuler entre les pièces, presque dans les pièces, puis on peut voir à travers aussi parce que ce sont des structures de bois qui ont beaucoup de jours. Donc, on voit les autres installations au travers de certaines des installations finalement. Puis, il y a des liens qui se créent, c'est sûr, c'est les mêmes matériaux, puis c'est les mêmes principes, mais chacune a vraiment sa personnalité. Tu sais, il y en a certaines qui exploitent, par exemple, je sais pas moi, la tablette. Il y en a qui vont avec, par exemple, installer une diagonale, puis il y a comme des photos au mur. Des fois, les photos font partie de la structure, des fois, elles sont à part. Oui. Mais c'est ça, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on parle de la structure du fond. Oui. Celle qui est probablement la plus grosse de ta oui. série. Plus grand déploiement dans l'espace. Puis c'est celle justement où les photos sont à part de la structure. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler du lien qu'il y a vraiment entre la structure qu'il y a devant les photos et les photos derrière? Oui. Ben en fait, l'idée de départ de cet élément-là, c'était de créer une espèce d'obstruction sur un paysage. Parce que moi, c'est certain que ma pratique photographique là, se situe vraiment... en fait, pas se situe, mais s'intéresse beaucoup à l'aspect paysage naturel, mais l'aspect paysage construit surtout. Mm-hmm. De là le titre de l'exposition. Oui. Exactement, oui, entre autres. Mais justement, je parlais de paysage naturel, mais il y a aussi tous les éléments construits comme l'architecture qui font partie du paysage, de notre paysage quotidien, qui m'intéresse. Et l'idée dans cette installation au fond, qui se déploie dans un espace plus grand, c'était vraiment de reconstruire justement avec sept panneaux photographiques, sept panneaux de photos qui sont au mur, qui sont un peu appuyés au mur de biais, je dirais, qui reconstruisent un paysage fragmenté. En fait, c'est des images de chantier, donc des fragments de chantier, des matériaux empilés, il y a des coffrages, des choses comme ça. Et il y a des parties un peu plus naturelles. C'est certain qu'on voit des collines, mais des petites buttes, un peu de feuillage à certains endroits. Mais tout ça se réorganise en un paysage qui crée une espèce de ligne, un peu à la manière, je dirais peut-être, on pourrait comparer ça à une espèce de skyline, là, en bon français. Et puis, la structure qui est devant va venir, cohabiter avec ces images-là. Elles vont créer certaines ombres assez douces, là, sur les images. On va pouvoir passer entre les images et la structure. Puis, à la limite, je pourrais dire que les images reprennent un peu plus le statut d'objet. Puisqu'elles sont sur contreplaqué, donc c'est vraiment du bois. Et la structure, on peut même dire qu'elle reprend en quelque sorte le statut de dessin dans l'espace, puisqu'il n'y a pas d'image de fixée dedans. Donc elle dialogue, ces deux sections-là dialoguent ensemble, là, puis on peut se frayer un chemin un peu à travers de nos déplacements là, pour avoir des points de vue différents. Oui, puis on peut vraiment regarder les images aussi à travers la structure, ce qui est vraiment intéressant. Puis les photos, comme tu disais aussi, sont pas nécessairement placées au mur, sont comme à côté au mur. Oui. Donc ça crée aussi... la photo devient un objet finalement. Ça fait aussi partie de ta stratégie de mise en espace. La spatialisation de l'image. Oui, exactement, la spatialisation de l'image. Donc, merci beaucoup Isabelle. Juste pour nos auditeurs, je vais juste seulement dire que la semaine prochaine, il y aura la mise en ligne d'une vidéo par regard. Donc, un lancement pour une vidéo de documentation pour les gens, par exemple, qui ne pourraient pas venir visiter l'exposition. Donc, on sait qu'avec la mise en place des mesures, qu'on ne sait jamais si ça va fermer, on s'adapte, hein? Oui, tout donc, à fait. Donc, voilà, si vous ne pouvez pas venir à Lévis, vous allez toujours pouvoir consulter la vidéo. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux et sur le site de Regard. Donc, merci beaucoup, Isabelle, pour cette belle entrevue. Bien, merci à toi, ça m'a fait plaisir. Pour terminer, peut-être juste mentionner que j'ai un petit projet qui se déroule dans la vitrine de Regard pendant toute la durée de l'expo, donc jusqu'au 14 mars. Où je travaille sur une recherche qui s'appelle « Travaux balisés ». Et c'est quelque chose qui découle un petit peu de ma résidence à Regard, là, du mois avant l'exposition. Parfait, merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Cassandra. De retour à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro. On entendait les pièces Ready for the World et My Body, toujours de l'artiste How to Dress Well de son album Love Remains. Juste avant ces pièces musicales, on entendait notre chroniqueuse de la semaine, Cassandra Graham, s'entretenir avec l'artiste Isabelle Falardeau au sujet de son exposition chez Regard, qui est disponible depuis le 12 février dernier. Et c'est déjà le moment hebdomadaire de l'agenda de la semaine. Donc, cette semaine, pour nos auditeurs qui comprennent l'anglais, le West Yorkshire Print Workshop, donc en Angleterre, offre une conférence en ligne de l'artiste Tania Morin, représentée par la Galerie A ici à Québec et qu'on a déjà reçue à l'émission aussi. Donc, c'est ce jeudi 25 février à 14h30. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook dans la section événements pour trouver l'événement et les détails de la réservation. Et dans le contexte de la pandémie, notre cher centre d'artistes La Chambre Blanche a proposé d'un commun accord une résidence de production du 9 au 27 février 2021 au duo Vida Simone et Jack Stanley. Dans le cadre de leur recherche, le duo va présenter une performance de longue durée à La Chambre Blanche le 26 février de 13h à 17h. Donc, il y a un maximum de 10 personnes qui vont être autorisées dans la galerie en même temps. Les gens sont invités à rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent et on peut attendre pour pouvoir aller assister à cette performance de 4 heures. C'est votre dernière chance pour accéder gratuitement en ligne à un documentaire consacré au mythique couturier Christian Dior et à sa maison de couture. Donc, lors des 3 derniers week-ends de février, le Festival international du film sur l'art et le musée McCord présentent une programmation de longs métrages consacrés à celui qui a inspiré des générations de créateurs, de créatrices et influencé le monde de la haute couture jusqu'à ce jour. Donc, pour le dernier week-end du 26 au 28 février, c'est le film Bouquet final, produit en Belgique, réalisé par Erwan Augoyard et Sophie Covès-Brun. Donc, vous pouvez trouver les détails sur la page Facebook du FIFA, donc le Festival international du film sur l'art, ou du Musée McCord. Et dimanche, le 28 février, de 17h30 à 18h30, la galerie Léonard et Bina Hélène présente une performance virtuelle en direct d'Edith Brunette et François Lemieux, qui est intitulée « Lit de Procuste ». Donc, cette performance est diffusée gratuitement sur YouTube. Procuste, c'était le nom d'un aubergiste de l'Antiquité qui, selon le mythe, allongeait les voyageurs en quête d'un toit sur un lit qui leur servait de gabarit. Les corps trop grands étaient sciés et les corps trop petits écartelés. Donc, on a bien hâte de voir la façon dont Edith Brunette et François Lemieux vont s'inspirer de leur maître mot pour faire une performance présentée par la galerie Léonard et Bina Hélène ce dimanche. Vous avez également jusqu'au dimanche 28 février pour aller voir la 16e édition de Bande d'essai à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Bande d'essai regroupe chaque année les œuvres de jeunes artistes poursuivant leur deuxième année au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'École d'art. Donc, la Galerie des arts visuels poursuit ainsi un volet important de son mandat, le soutien à la relève. Donc, cette 16e édition regroupe les œuvres de Chantal Blackburn, de Delphi Boudreau et de Samar Saidi. À noter que la Galerie des arts visuels sera ouverte du mercredi au vendredi de midi à 17h, ainsi que le samedi et le dimanche de 11h à 16h. Puis, c'est la dernière semaine aussi pour y voir le projet in situ d'Isabelle Lapierre qui s'intitule « Le couloir des péristries ». Donc, ce projet-là est visible de la rue, donc pas besoin d'attendre que la galerie soit ouverte pour en profiter. C'est déjà le temps de la fin de l'aérospatiale pour cette semaine, Myriam. Et puis, comme à chaque semaine, on vous invite à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est également un des meilleurs moyens en ville de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec. Et on vous invite également à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Nous diffusons actuellement des portraits de nos chroniqueurs chroniqueuses sur Instagram. Donc, pour en savoir un peu plus sur ces voix que vous entendez toutes les semaines avec nous à l'aérospatiale. Oui, qui nous produisent du beau contenu. D'ailleurs, on remercie cette semaine Cassandra Graham qui nous a présenté cette entrevue avec Isabelle Falardeau, qu'on remercie également de s'être prêtée au jeu. Puis, tant qu'à remercier Guy Sioui Durand également d'avoir pris du temps avec Gentiliane pour nous parler de son exposition qu'il commissarie. Et finalement, comme à chaque semaine, un salut spécial à notre manet de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a hâte de retrouver en studio. On se laisse sur une finale audio toujours tirée de l'album Love Remains de How to Dress Well, et on se dit à la semaine prochaine, Gentiliane. À la semaine prochaine, Myriam, pour une autre édition de l'aérospatiale. I'm not afraid to die. passer. Et le bon.